بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui donc le cours numéro 2 dans l'explication de Riyad al-Salihin, le livre, le recueil de hadith de l'imam al-Nawawi, rahimahullah, avec les explications de Sheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah. Et on est arrivé donc à la partie du hadith où donc on expliquait le hadith إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Donc on va expliquer donc la dernière partie de ce hadith. Le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, donc il cite la partie du hadith qu'il va expliquer maintenant. Donc quiconque fait la hijra vers Allah et son messager, alors sa hijra sera pour Allah et son messager. Mais quiconque fait la hijra pour une dunya, pour obtenir quelque chose de la dunya, ou bien pour épouser une femme, alors sa hijra sera vers la chose vers laquelle il est allé. Et ici, le cheikh explique que le terme hijra, il dit al-hijratu, ayyantaqila l'insanu min dar al-kufr ila dar al-islam. Donc, la définition de al-hijra en islam, c'est qu'une personne déménage ou quitte la terre de kufr vers la terre de l'islam, ou la demeure du kufr pour aller vers la demeure de l'islam. Il dit ومثل أن يكون في أمريكا وأمريكا دار كفر فيسلم ولا يتمكن من إظهار دينه هناك فينتقل منها إلى البلاد الإسلامية هذه هي الهجرة وإذا هاجر الناس فهم يختلفون في الهجرة منهم من يهاجر ويدع بلده إلى الله ورسوله يعني إلى شريعة الله التي شرعها الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام وهذا هو الذي ينال الخير وينال مقصوده ولهذا قال فهجرته إلى الله ورسوله أي فقد أدرك ما نوى. Donc le premier point qu'on peut mentionner par rapport à ce hadith, c'est que, premièrement, la hijra, on a mentionné la définition. C'est qu'une personne quitte un pays de kufr pour aller vers un pays de l'islam. Et contrairement à certaines personnes qui ont compris la signification de la hijra comme étant un sens général de quitter un endroit pour aller vers un autre, de quitter un pays pour aller vers un autre, peu importe que ce soit un pays de l'islam ou un pays de kufr. Et à notre époque, ce qui se produit souvent... C'est que certains musulmans quittent les pays de l'islam pour aller vers les pays de kufr. Hein? Et ils disent, j'ai fait la hijra, hein? Ou j'ai yani hajartu, ana muhajir. Hein? Et ça, c'est une signification qui est totalement yani, contraire à la signification yani, islamique de ces termes-là. Et le cheikh, il dit ensuite l'exemple d'une personne, par exemple, qui vit en Amérique, que ce soit au Canada, aux États-Unis, ou en Europe, ou ailleurs, yani, c'est des pays qui ne sont pas des pays musulmans, c'est des pays de kufr. À la base, c'est des pays chrétiens ou des pays laïcs. Hein? Et yani, c'est pas des pays musulmans. Et il dit, le cheikh, donc si la personne... Elle devient musulmane dans ces pays-là et qu'elle n'est pas capable d'exprimer ou d'extérioriser ou de montrer sa religion ouvertement dans ces pays-là, alors dans ce cas-là, il va quitter ces pays pour aller vers les pays de l'islam. Et ça, c'est ce qu'on appelle la hijra. Donc ça, c'est à la base. Il y en a en général, les cas que les ulama mentionnaient par rapport à la hijra souvent dans le passé, lorsqu'il mentionnait la hijra, ce n'était pas pour des musulmans, par exemple, qui allaient vivre chez les koufars, hein, ou pour leur mentionner que c'est obligatoire pour eux de faire la hijra. Ils disaient souvent ça, ou ils mentionnaient souvent ces cas-là, dans les cas des gens qui vivaient, par exemple, dans les pays de Kufr, en Europe ou ailleurs, et pour leur clarifier ou leur expliquer le verdict, hein, de vivre dans ces pays-là et qu'ils devaient quitter ces pays pour venir dans les pays musulmans. Parce que souvent, dans le passé, peut-être aujourd'hui c'est différent d'une certaine façon, tandis que dans le passé, c'était vraiment sérieux pour les chrétiens. Si quelqu'un devenait musulman, c'était quelque chose qui était extrêmement grave pour eux. Et ils considéraient donc que celui parmi les chrétiens qui quittait le christianisme ou la religion catholique et qui devenait musulman, eh bien, souvent, il jugeait que cette personne-là méritait d'être tuée. Hein? Ils exécutaient tous les gens convertis à l'islam qui vivaient dans leur pays. Hein? C'était ce qui s'est passé en Europe et en Espagne et dans d'autres pays également. Donc, dans ces cas-là, si quelqu'un, par exemple, se convertissait à l'islam dans les pays chrétiens de cette façon, eh bien, souvent, ils étaient obligés de cacher leur conversion et de cacher leur islam, et ils devaient donc éviter de faire savoir à quiconque qu'ils étaient musulmans. Et dans des situations comme ça, c'est sûr que quelqu'un, il ne peut pas vraiment pratiquer sa religion librement, hein, ouvertement. Donc, dans des cas comme ça, s'il est capable de quitter le pays dans lequel il est, eh bien, c'est sûr qu'il a l'obligation, hein, de quitter ce pays-là puis d'aller dans un pays musulman. Et donc, c'est ça dont les ulamas, c'est à ça que les ulamas faisaient allusion au début, souvent dans les livres de fiqh, lorsqu'ils parlaient de la hijra. Ils ont également parlé des pays, par exemple, qui étaient sous le contrôle des musulmans, puis qui ont été, par exemple, repris par des kuffars, hein, dans certaines régions, comme par exemple en Andalousie ou ailleurs, lorsque les chrétiens ont repris certaines terres qui avaient été depuis des siècles entre les mains des musulmans. Eh bien, ces musulmans-là, s'ils restaient là-bas, souvent on leur imposait la conversion par la force, hein, même si des fois c'était pas dit de façon explicite, mais ils établissaient certaines contraintes et certaines règles ou certaines lois qui rendaient la pratique religieuse musulmane de façon d'une certaine façon presque impossible ou très compliquée. Et donc, le but de ça, c'était pour que, à long terme, les gens qui étaient musulmans quittent l'islam et deviennent chrétiens, c'est-à-dire rentrent dans la religion du shirk et du kufr des chrétiens. Et là, c'est clair que dans des cas comme ça, c'était pas possible pour des musulmans de rester dans des pays comme ça ou dans des situations comme ça, excepté s'ils allaient vivre de manière complètement humiliée et complètement rabaissée. Donc, ils devaient faire la hijra. Et donc, encore aujourd'hui, si un musulman est capable de faire la hijra, comme on va le voir, eh bien, il doit le faire. C'est pas quelque chose qui était spécifique à une époque et que là ça termine. Et même qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui spécifie que la hijra, elle reste jusqu'au jour de la résurrection. Hein? Que jusqu'à ce que le soleil se lève de son coucher. Lorsque le soleil se couche à l'est, hein? Lorsque le soleil va se coucher à l'est. À ce moment-là, eh bien, on pourra pas, on pourra plus se... Lorsque le soleil va se lever à l'ouest, oui, c'est ça, on pourra plus se repentir. Et à ce moment-là, jusqu'à ce moment-là, la hijra sera ordonnée. C'est-à-dire, la hijra reste obligatoire jusqu'à la fin des temps. Et il y a des conditions pour que ce soit obligatoire. Pour certaines personnes, ça peut être recommandé seulement. Pour d'autres, ça peut être obligatoire selon les circonstances et selon les situations. Et c'est ça qu'on va expliquer maintenant. Donc, le cheikh, il dit, si quelqu'un donc va faire la hijra, eh bien, si on ramène le hadith avec la signification de la hijra par rapport à l'intention, hein, puisque le chapitre est au sujet de l'intention et le hadith parle de l'intention, innamal a'malu binniyat. Donc ici, le cheikh explique que si quelqu'un, par exemple, il fait la hijra, les gens vont faire la hijra avec des intentions différentes. Parfois, des gens vont faire la hijra, hein, et ils vont quitter leur pays vers Allah et vers son messager. Et c'est-à-dire que ce qu'ils cherchent en faisant cette hijra, c'est uniquement la religion d'Allah, la charia d'Allah. Et ils cherchent ce que yani, Allah a légiféré par la langue de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et cette personne-là, c'est elle qui va avoir la récompense et le bien qui est promis par rapport à la hijra. Parce que la récompense de la hijra, c'est une récompense immense. Hein? C'est une ibada qui est immense. Et même que parmi les exemples de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc que celui qui fait la hijra, c'est comme il revient comme le jour où sa mère l'a mis au monde. C'est-à-dire tous ses péchés précédents seront pardonnés pour lui. Et il y a d'autres récompenses également qui ont été mentionnées par rapport à la hijra aussi. Et il explique que celui donc qui avait l'intention sincère pour Allah et son messager, alors celui-là, il aura la récompense. Hein? Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Donc celui qui avait fait la hijra pour Allah et son messager, alors il aura la récompense comme de sa hijra comme étant pour Allah et pour son messager. Il va recevoir ce qu'il avait eu comme intention, comme en récompense. Il dit, wa athani hajara li dunya yusibuha. Mathalan, rajulun yuhibbu jam' al-mal. فسمع أن في بلاد الإسلام مرتعا خصبا للاكتساب أو لاكتساب الأموال فهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فقط لا يقصد أن يستقيم على دينه ولا يهتم لدينه وإنما همه المال. Donc il dit un autre exemple, le cas d'une personne par exemple qui fait la hijra vers un pays musulman dans le but d'obtenir quelque chose de la dunya. Donc lui, c'est quelqu'un qui aime ramasser l'argent et il a entendu que dans un pays musulman, parmi les pays de l'islam, il y a des opportunités de ramasser et de gagner beaucoup d'argent. Alors il quitte les pays de Kufr pour aller vers les pays de l'islam uniquement pour avoir plus d'argent et non pas pour se mettre sur la religion et pour donner de l'importance à la religion. Donc la personne qui fera sa hijra dans cette intention-là, eh bien, il ne pense qu'à l'argent. Donc il n'aura que ça comme récompense. Il n'aura pas la récompense de celui qui a fait la hijra pour Allah et pour son messager. ثالثا رجل هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام يريد امرأة يتزوجها قيل له لا نزوجك إلا في بلاد الإسلام ولا تسافر بها إلى بلاد الكفر فهاجر من بلده إلى بلاد الإسلام من أجل المرأة فمريد الدنيا ومريد المرأة لم يهاجر إلى الله ورسوله ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى ما هاجر إليه وهنا قال إلى ما هاجر إليه. فلهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى ما هاج إلى إلى إلى الله ورسوله وهنا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه ولم يقل فهجرته إلى الدنيا يصيبها أي نعم نعم فهجرته فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ولم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها لماذا؟ قيل لطول الكلام وإذا قيل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها طال الكلام وقيل بل لم ينص عليهما احتقارا وإعراضا عن ذكرهما لأنها نية فاسدة منحطة. وعلى كل حال فإن هذا الذي نوى بهجرته الدنيا أو المرأة لا شك أن نيته سافلة ومنحطة هابطة بخلاف الأول الذي هاجر إلى الله ورسوله. Donc ici le cheikh il explique que la personne donc qui a fait la hijra vers un pays de l'islam, yani qui a quitté un pays de kufr pour aller vers un pays de l'islam, mais qui veut uniquement se marier avec une femme. Hein? Puis on lui a dit par exemple, ok, tu veux marier cette femme, alors la condition c'est que tu yani viennes dans les pays de l'islam et tu ne peux pas amener cette femme dans les pays de kufr. Alors lui, il quitte les pays de l'islam, les pays de kufr pour aller vers les pays de l'islam. Non pas pour l'islam, non pas pour établir sa religion et pour être meilleur dans sa religion, mais uniquement pour épouser cette femme. Donc lui, il veut celui qui veut la dunya et celui qui veut la femme, il fait la hijra, mais il ne la fait pas pour Allah et son messager. Et c'est pour cette raison-là que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith en premier, il dit, celui qui fait la hijra pour Allah et son messager, alors sa hijra sera pour Allah et pour son messager. Tandis que celui qui faisait la hijra pour la dunya, hein, ou bien pour la femme, il n'a pas répété à la fin, alors sa hijra sera pour la dunya, ou bien alors sa hijra sera pour épouser une femme. Il n'a pas répété à la suite de la même manière qu'il l'a fait pour Allah et son messager. Et les ulama ont dit que la raison de pourquoi il ne l'a pas répété de la même manière qu'il l'avait répété pour Allah et pour son messager, c'est parce que certains savants ont dit parce que ce serait une parole trop longue, inutile. Et il dit donc s'il avait répété, alors celui qui fait la dunya pour la celui qui fait la hijra pour la dunya, alors sa hijra sera pour la dunya. Et celui qui fait la hijra pour épouser une femme, alors sa hijra sera pour épouser une femme. Il n'a pas dit, il n'a pas détaillé. Il a dit parce que il voulait éviter donc de faire une phrase inutilement longue. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, c'est-à-dire qu'en peu de mots, il dit des choses qui ont un grand sens. Et donc, il limite le nombre de ces mots. Et une autre explication également que des savants ont mentionné aussi, c'est parce que il veut montrer à quel point il méprise la dunya. Hein? Et donc, il ne la mentionne même pas. Il s'en détourne complètement parce que de toute façon, ce sont des intentions qui sont corrompues et qui sont basses, hein, qui sont basses. Et également aussi, c'est que, wallahu ta'ala a'lam, mais c'est bien possible que ce soit également à cause du fait que les différentes intentions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées sont deux exemples parmi les exemples, mais qu'on pouvait en mentionner beaucoup d'autres, hein, des exemples de mauvaises intentions pour lesquelles, ou bien d'intentions qui ne sont pas pour Allah et pour son messager, il peut y en avoir des centaines. Et donc, si on commençait à toutes les énumérer, bien entendu, ce serait très long. Et donc, le cheikh, il dit, de toute façon, celui qui avait l'intention de faire sa hijra pour la dunya, ou pour une femme, ou pour des choses de ce genre parmi les choses de la dunya, eh bien, il n'y a pas de doute que ces intentions-là sont basses et qu'elles sont contraires à justement l'intention de celui qui en premier a fait sa hijra pour Allah et pour son messager, alayhi salatu wassalam. Et donc ça c'est un rappel également pour tout le monde, pour tous les musulmans qui désirent faire la hijra dans les pays musulmans, qu'il faut que leurs intentions soient sincères et qu'ils fassent la hijra réellement dans le but de plaire à Allah et à son messager. Parce que on a constater parfois que certains musulmans partent pour aller vivre dans certains pays et ils recherchent spécifiquement des pays musulmans dans lesquels les niveaux de vie sont extrêmement élevés, comparables parfois à certains des pays des pays occidentaux, par exemple. Et ça, c'est clair que ça peut parfois venir jouer justement dans la sincérité, dans l'intention de la personne. Et ça ne veut pas dire que il faudrait que quelqu'un aille explicitement ou de façon spécifique dans des pays pauvres ou dans des pays où les moyens sont difficiles pour aller pour faire la hijra et de délaisser les pays dans lesquels il y a du bien ou qu'il y a des richesses ou il y a de l'aisance. Non, ça ne veut pas dire ça, parce que ce n'est pas interdit, hein, de vivre dans l'aisance si c'est dans le halal. Mais n'empêche que celui qui est sincère, s'il n'a pas beaucoup de moyens, hein, ce serait peut-être en son avantage d'aller dans un pays justement où il va pouvoir vivre, même si c'est une vie qui est modeste, mais il va pouvoir vivre quand même assez aisément avec peu de moyens. C'est ça l'avantage. Hein? Tandis que s'il va vivre dans un pays extrêmement riche, où les gens vivent dans l'opulence et le luxe, et que lui, il est pauvre, eh bien, il va trouver ça beaucoup plus difficile. Hein? Il va trouver ça beaucoup plus difficile. Tandis que s'il va dans un pays pauvre, peut-être qu'il va pouvoir vivre et aller de manière très confortable, même s'il n'a pas beaucoup de moyens. Et ça, c'est des choses que parfois les gens ils réalisent pas, ou bien ils ne tiennent pas compte. Hein? Ou bien parfois les. Bon, si on peut rentrer dans les exemples de ça, je pense que vous êtes capable de comprendre par vous-même toutes les explications ou tous les cas qui peuvent se rattacher à ce point-là. Donc, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails sur ces points-là. Donc, le cheikh, il explique ensuite les différentes catégories de hijra. Il dit Aqsamul hijra. Al-hijra takunu lil-amal, wa takunu lil-amil, wa takunu lil-makan. Al-qismu l'awwal, al-hijratu, hein, hijratu l-makan. بأن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه المعاصي ويكثر فيه الفسوق وربما يكون بلد كفر إلى بلد لا يوجد فيه ذلك وأعظمه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وقد ذكر أهل العلم أنه تجب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر دينه. أما إذا كان قادرا على إظهار دينه ولا يعارض إذا أقام شعائر الإسلام فإن الهجرة لا تجب عليه ولكنها تستحب. وبناء على ذلك يكون السفر من بلد الكفر أعظم من البقاء فيه. فإذا كان بلد الكفر الذي كان وطن الإنسان إذا لم يستطع إقامة دينه فيه وجب عليه مغادرته والهجرة منه. فكذلك إذا كان الإنسان من أهل الإسلام ومن بلاد المسلمين فإنه لا يجوز له أن يسافر إلى بلد الكفر لما في ذلك من الخطر على دينه وعلى أخلاقه ولما في ذلك من إضاعة ماله ولما في ذلك من تقوية اقتصاد الكفار ونحن مأمورون بأن نغيظ الكفار بكل ما نستطيع كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وقال تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينال من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Donc ici le cheikh il explique que les catégories de hijra sont de trois ou bien il mentionne trois exemples ici. C'est soit la hijra par rapport au lieu, la hijra par rapport à la personne qui fait la hijra elle-même et l'acte de la hijra elle-même. Donc, il mentionne les explications par rapport à. Il va mentionner des explications par rapport à ces trois aspects-là. Et la première, c'est à propos. Hein, donc ça, c'est important. Et cette division que le cheikh, il fait, elle est extrêmement importante parce que c'est parfois des choses que certaines personnes ne tiennent pas ils ne tiennent pas compte parfois de ça parce que yani, la hijra, elle a différentes, comment je pourrais dire, il y a différentes dimensions à la hijra. Et c'est ça donc que le cheikh explique ici, c'est qu'il y a la hijra d'un lieu vers un autre. Et il y a la hijra par rapport à yani, celui qui le fait, son état à lui. Et quand est-ce que c'est obligatoire à lui et par rapport aux autres? La situation peut être différente d'une personne à l'autre. Et ce n'est pas tout le monde pour qui le verdict de la hijra est le même. Hein, selon la situation de chacun, ça peut être différent. Pour une personne, ça peut être obligatoire. Pour l'autre, ça peut être simplement recommandé. Tandis que pour l'autre, ce n'est pas obligatoire du tout. Donc tout ça, c'est des choses que les ulama ont expliquées. Et en ce qui concerne la hijra elle-même, hein, l'acte de la hijra elle-même, qu'est-ce que c'est son jugement et son verdict? Tout ça, il y a des règles. Et donc, il commence par expliquer le lieu, la hijra par rapport au lieu. Et donc, il explique que c'est de quitter un endroit dans lequel il y a des péchés, beaucoup de péchés, pour aller dans un endroit où il y en a moins, où il n'y en a pas du tout, préférablement, ou bien où il y en a moins. Et donc, il dit, s'il y a un endroit où il y a beaucoup de péchés, il y a beaucoup de perversité, où il y a beaucoup de bid'a, par exemple, hein, ou bien un pays dans lequel il y a du kufr. Et donc, il quitte ce pays-là pour aller dans un pays où il n'y en a pas, hein, ou bien où il y en a moins. Des fois aussi, on peut ajouter cette explication-là, parce que des fois, un pays où il n'y en a pas du tout, ça c'est extrêmement rare. Tandis que c'est possible qu'il y ait un pays où il y en a plus et d'autres où il y a un autre pays où il y en a moins. Et ça, c'est toujours meilleur. Et le cheikh, il dit comme exemple ensuite, il dit la première catégorie, donc c'est la hijra par rapport au lieu. Et il dit donc que la plus grande forme de cela, c'est de faire la hijra d'un pays de kufr vers un pays de l'islam. Donc, tu quittes un pays de kufr vers un pays de l'islam. Et il dit, et les ulama, ils ont mentionné que dans cette catégorie-là, si une personne n'est pas capable de montrer ouvertement sa religion, c'est-à-dire d'appeler ouvertement au tawhid et de dire aux mushrikin et aux kuffar, vous êtes dans le faux et votre religion est fausse et la religion de vérité, c'est l'islam. Donc, si quelqu'un n'est pas en mesure de faire ça et d'appliquer les règles de sa religion et les pratiques de la religion ouvertement, alors dans ce cas-là, il est une obligation pour lui de quitter les pays de kufr pour aller vers les pays de l'islam. Et ça, c'est une obligation dans ce cas-là, s'il est capable de le faire. Il dit, tandis que si la personne, elle est capable de pratiquer ouvertement sa religion et qu'elle ne va pas avoir des oppositions à l'application des principes et des règles de sa religion, eh bien, dans ce cas-là, la hijra n'est pas obligatoire pour lui, mais elle reste tout de même yani, recommandée. Et donc, en se basant sur ce point-là, il faut donc savoir que le fait de voyager vers les pays de kufr, c'est beaucoup plus yani, grave. Non, il dit le fait de rester dans un pays de kufr, c'est beaucoup plus grave que d'y voyager. En voulant dire que si quelqu'un, par exemple, il va vers un pays de kufr pour faire un voyage, comme par exemple rester là-bas pour un certain temps, pour aller faire quelque chose puis de retourner, ça c'est moins grave que d'y partir pour s'y installer. D'accord? Et il y a des musulmans qui quittent les pays de l'islam pour venir s'installer de façon permanente et définitive dans les pays de kufr, et ça c'est extrêmement grave et extrêmement dangereux, même si beaucoup d'entre eux ne réalisent pas la gravité à cause de leur ignorance ou à cause de leur insouciance. Et c'est la réalité de beaucoup de musulmans, malheureusement. Parce que beaucoup d'entre eux, ils ne tiennent compte que des aspects matériels. Et ils ne regardent que le point de vue matérialiste de la dunya. Et ils ne regardent rien d'autre que ça. Et encore, il n'y en a surtout pas la religion, hein, malheureusement. Et donc, le cheikh explique que « Al-safar ila balad al-kufri a'zamu min al-baqa fihi » يعني بناء على ذلك يكون السفر إلى بلد الكفر أعظم من البقاء فيه إذا كان بلد الكفر الذي كان وطن الإنسان إذا لم يستطع إقامة دينه فيه وجب عليه مغادرته والهجرة منه. Donc ici, il dit, si la personne donc est dans un pays dans lequel il n'est pas capable d'établir sa religion, il est obligatoire pour lui de quitter ce pays-là et de faire la hijra de ce pays. Et il dit, ouais, de même que si une personne fait partie des musulmans et qu'il vit de, il vient des pays musulmans, il n'est pas permis pour lui de voyager pour aller dans les pays de Kufr à cause du danger que cela, représente pour sa religion et pour son comportement. Et à cause également du gaspillage d'argent que cela entraîne, et le fait que cela également augmente ou rajoute de la, donne de la force au, à l'économie de ces pays-là. Et nous sommes plutôt ordonnés justement de ne pas faire ça, hein, et de faire ce qui enrage les koufars, de faire ce qui enrage les koufars dans le fait d'appliquer notre religion et d'affirmer la foi et d'établir le tawhid par tous les moyens, hein, par tous les moyens qu'on est capable. Et il mentionne à ce sujet-là le verset 123 dans sourate At-Tawba, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il spécifie dans ce verset ce qui signifie: ô vous qui croyez, luttez contre les mécréants qui sont près de vous et qu'ils trouvent de la dureté en vous, et sachez qu'Allah est avec les pieux. Et ce verset-là, bien entendu, il faut le mettre dans le contexte par rapport à sa signification, bien entendu, parce que il parle dans le verset du combat lorsqu'il y a une guerre, hein, entre les koufars et les musulmans. Mais de façon générale, le mu'min, il doit faire preuve de dureté, de fermeté envers le kafir, de façon générale. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran par rapport à la description des croyants: أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. Donc ils sont humbles envers les croyants et durs envers les mécréants. Et durs et fiers envers les mécréants. Ensuite, il mentionne un autre verset aussi qui est dans le verset 120, dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit et ils ne fouleront aucune terre provoquant la colère des infidèles, et n'obtiendront aucun avantage sur un ennemi sans qu'il ne leur soit écrit pour cela une bonne action, hein? Et certes Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaiteurs. Donc le cheikh il dit: fal kafiru ayyan kan سواء كان من النصارى أو اليهود أو من الملحدين، سواء تسمى بالإسلام أو لم يتسمى بالإسلام، الكافر عدو لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين جميعا، مهما تلبس بما يلتبس به فإنه عدو. Donc le cheikh il dit que le kafir, peu importe de quelle sorte de kafir il est, qu'il soit chrétien, qu'il soit juif, ou qu'il soit athée, ou qu'il, même si les kafirs qu'ils se disent musulmans, par exemple, comme par exemple les rafidahs, c'est des kuffars. Et le kafir, il est l'ennemi d'Allah, et de son livre, et de son messager, et des croyants en général. Peu importe ce qu'il peut prétendre, il reste toujours un ennemi d'Allah, et de son messager, et des croyants. Et il dit ensuite: فلا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد الكفر إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، لأن الكفار يريدون على المسلمين شبها في دينهم وفي رسولهم وفي كتابهم وفي أخلاقهم، في كل شيء يريدون الشبهة ليبقى الإنسان شاكا متذبذبا. ومن المعلوم أن الإنسان إذا شك في الأمور التي يجب فيها اليقين فإنه لم يقم بالواجب، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره يجب أن يكون يقينا، فإن شك الإنسان في شيء من ذلك فهو كافر. Donc le cheikh explique qu'il n'est pas permis donc aux musulmans de voyager dans les pays de kufr, sauf avec trois conditions. Donc écoutez bien ces conditions-là. La première condition que le cheikh il a mentionné ici, c'est que la personne elle ait une science suffisante par laquelle il va être capable de repousser les ambiguïtés et les faux semblants de preuves que les kuffars peuvent lui donner ou lui présenter pour essayer de lui mettre des doutes dans sa religion ou à propos de son messager ou à propos de son livre ou à propos de son comportement et de ses valeurs. Et donc, toutes choses par lesquelles ils peuvent essayer de faire rentrer des doutes et des ambiguïtés dans sa religion, eh bien, c'est très dangereux parce que ça fait en sorte que la personne, par la suite, elle devienne hésitante et qu'elle soit, par exemple, dans le doute par rapport à sa religion. Et si quelqu'un est dans le doute par rapport à quoi que ce soit des choses obligatoires, hein, et des choses dans lesquelles il est obligatoire pour lui d'avoir une conviction et une certitude, eh bien, s'il n'a pas cette conviction et cette certitude dans ces choses-là, eh bien, il ne sera pas en mesure de mettre en application ce qui est obligatoire pour lui. Et donc, le cheikh, il dit que la foi en Allah et en ses anges et en ses livres et en ses messagers et au jour dernier et en la prédestination de ce qu'Allah a prédestiné de bien ou de mal, tout ça, c'est obligatoire et il faut y croire avec certitude. Et donc, si une personne quelconque a des doutes en quoi que ce soit de cela, eh bien, il devient mécréant à cause de ça. Donc, il devient kafir. Et le cheikh, il dit, « فالكفار يدخلون على المسلمين الشك. فالكفار يدخلون على المسلمين الشك حتى أن بعض زعمائهم صرح قائلا لا تحاولوا أن تخرجوا المسلم من دينه إلى دين النصارى ولكن يكفي أن تشككوه في دينه لأنهم إذا شككتموه في دينه وسلبتموه الدين هذا كاف أنتم أخرجوه من هذه الحظيرة التي فيها العزة والغلبة والكرامة ويكفي أما أن تحاولوا أن تدخلوه في دين النصارى المبني على الضلال والسفاهة فهذا لا يمكن لأن النصارى ضالون كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان فدين المسيح عليه السلام دين حق ولكنه دين الحق في وقته قبل أن ينسخ برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique que ensuite il dit donc que les kuffars ils essaient de faire rentrer donc des doutes chez les musulmans et même que certains d'entre leur tête parmi les kuffars ont dit de façon explicite n'essayez pas de faire sortir les musulmans de leur religion pour les faire rentrer dans la religion chrétienne. Il est suffisant pour vous de chercher à leur mettre des doutes dans leur religion. Parce que si vous arrivez à leur faire douter en leur religion et à leur retirer leur religion, alors cela sera suffisant. Donc, ils ne veulent pas que les musulmans deviennent nécessairement chrétiens. L'important pour eux, c'est que les musulmans quittent l'islam et abandonnent leur religion. Et donc, ils vont essayer par tous les moyens d'arriver à cela. Et donc, le cheikh, il explique que ces gens-là, ils disent, donc, si vous êtes capable de sortir les musulmans de la religion dans laquelle il y a leur fierté, et leur force et leur honneur, eh bien ça c'est suffisant. Et il dit, tandis que si vous essayez de les faire rentrer dans le christianisme, qui est basé sur l'égarement et la stupidité, et la futilité, eh bien là vous ne serez jamais capable, parce que les chrétiens sont des égarés. Et il dit donc que, il est mentionné donc que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné, comme a dit le hadith. Donc ça c'est mentionné de la part du messager sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. Et il dit que la religion des chrétiens à la base, si c'était, si on parle du message du Messie, yani Isa alayhi salam, eh bien ça, c'était une religion véridique à la base, puisque Jésus a enseigné le message d'Allah et la vérité à son époque. Tandis que une fois que le message du prophète Mohammed sallam a été révélé, eh bien les messages précédents ont été abrogés maintenant. Et donc, ils ne sont plus valides en tant que religion. Une fois que le messager Mohammed sallam est venu, eh bien, par la suite, il ne reste plus d'autres religions valides, excepté celle du prophète Mohammed sallam, qui est le dernier des messagers. Ensuite, il mentionne la deuxième condition pour que des musulmans puissent voyager vers des pays de kufr. La deuxième condition, et là ici, il ne parle pas de venir s'installer pour vivre dans les pays de kufr, comme le font certains musulmans malheureusement. Et certains musulmans qui sont arrivés dans les pays de kufr à l'origine ou à la base, ils n'ont jamais eu l'intention de s'y installer de façon définitive. Ils avaient juste l'intention de venir pour y travailler pendant un certain temps, puis par la suite de retourner dans leur pays d'origine. Sauf qu'avec le temps qui passe, avec la situation, parfois ils sont pris dans une certaine situation avec leur famille et ils décident finalement d'y rester. Et c'est ça qui arrive souvent avec les gens. Ils partent avec une intention que, ah non, c'est juste temporaire, je ne vais jamais rester. Puis le temps passe et les enfants commencent à arriver et la famille commence à s'installer et puis. Finalement, ah, ben, on va acheter une maison. Ah, finalement, on va faire ci. Ah, finalement, les enfants, il faut qu'ils finissent leurs études. Ah, finalement, il faut faire ça. Et puis après, ils ne retournent jamais, finalement. Et donc, yani, c'est ça. Donc, si c'était l'intention de s'installer, ça, c'est clair que c'est interdit. Mais pour y aller pour un certain temps, alors là, il y a des conditions. Et la première condition, on en a mentionné, c'est la science. Et j'aimerais mentionner un point à propos de cette première condition que le cheikh a mentionné. Ça, c'est extrêmement important. Et malheureusement, beaucoup de musulmans, ils ne savent pas ça. C'est que beaucoup de musulmans, quand ils sont dans les pays musulmans, ils ont leur milieu, l'entourage, et ils ont, comme on dit, ils sont dans un environnement qui est musulman. Ils ont leur famille, leurs proches. Et donc, ils s'accrochent à l'islam et ils s'attachent à l'islam de façon générale parce que tout le monde est musulman. Donc, à la limite, ils n'ont pas le choix, presque. Beaucoup d'entre les musulmans, c'est la réalité, c'est comme ça, parce qu'ils n'ont pas nécessairement étudié ou compris les détails ou les fondements de leur religion. Lorsqu'ils arrivent dans un autre pays, la religion de l'islam commence à avoir un autre sens pour eux parce que ils sont maintenant dans un contexte de minorité et ils s'y attachent maintenant des fois par justement par attachement à la culture et à leur justement à leur éducation et à cause de du milieu dans lequel ils ont grandi. Et ça c'est aussi normal. Et des fois même ça peut faire en sorte que certaines personnes prennent plus, encore plus conscience de la valeur de l'islam et s'y attachent parfois un peu plus qu'auparavant parce qu'il vit dans un contexte où il est maintenant devenu minoritaire. Sauf que les enfants qui naissent par la suite dans ces pays-là, les parents parfois vont essayer de leur retransmettre l'islam de la même manière que eux l'ont apprise, que la même manière que eux ont appris l'islam dans leur pays, en pensant que par attachement traditionnel et par culture, ils vont, leurs enfants vont continuer à s'accrocher à cette religion-là. Et donc, il faut comprendre que dans ce contexte-là, ce ne sera pas suffisant de se limiter juste à un attachement traditionnel à l'islam, parce que l'islam, ce n'est pas une culture, l'islam, ce n'est pas une tradition, l'islam, c'est une conviction, c'est une croyance, c'est une foi, et il faut donc qu'elle soit basée sur des fondements et des règles et des principes établis par la révélation. Il faut que ce soit une conviction profonde, basée sur la science et la connaissance, et non pas juste un attachement à une coutume ou à quelque chose qui est relié à un milieu ou à un environnement. Parce que si tu changes d'environnement, eh bien cette coutume-là, elle va changer. Et malheureusement, beaucoup de parents musulmans dans les pays de Kouf, ils enseignent à leurs enfants l'islam comme si c'était une coutume et une tradition seulement. Et ce qui fait que beaucoup de ces enfants-là s'égarent complètement et ils ne gardent aucun attachement à l'islam parce que l'environnement prend le dessus sur eux, hein, et sur leur compréhension et sur leur attachement à l'islam. Donc c'est très important de comprendre que pour enseigner la religion de l'islam aux enfants musulmans dans les pays de Kufr, il faut que cet enseignement-là soit basé sur les preuves du Coran et de la Sunna et sur la conviction et les clarifications et de revenir donc aux enseignements authentiques de l'islam avec les preuves et les explications de qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran et qu'est-ce que les hadiths authentiques ont mentionné et qu'est-ce que les salafs ont clarifié de la aqida, parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont être capables de s'accrocher avec l'islam avec conviction et avec certitude. Tandis que si c'est juste répéter des choses qu'ils ont entendues de leurs parents ou de leurs grands-parents, ou que dans leur pays les gens font telle ou telle chose, ça va pas tenir. Ça va pas être quelque chose à quoi ils vont être capables de s'accrocher fermement. Parce qu'il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de conviction là-dedans. Et ça, c'est très important de le mentionner. Et le cheikh, il mentionne ensuite que la deuxième condition, Ash-shartu thani, an yakuna indahu min dinin yahmihi min ash-shahawati. لأن الإنسان الذي ليس عنده دين فإذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس لأنه يجد زهرة الدنيا هناك من خمر والزنا واللواط وغير ذلك. Donc le cheikh il dit ensuite que la deuxième condition c'est que il faut qu'il ait un certain degré de religiosité qui va le protéger contre les tentations des choses illicites. Parce qu'une personne, lorsqu'il a un niveau de piété et de religion, eh bien, même s'il va aller dans les pays de Kufr, il va se retenir de tomber dans ces tentations-là. Hein? Parce que le cheikh, il dit que si tu vas dans les pays comme des pays de Kufr, comme en Occident, par exemple, ou bien en Orient, dans certains pays orientaux, c'est la même chose. Il y a là-bas toutes sortes de plaisirs de la dunya et des choses haram. L'alcool, il y a le zina, il y a yani, toutes sortes de perversités aussi, comme l'homosexualité ou autre. Et dans des pays comme ça, ces choses-là sont légales. Ces choses-là sont légalisées. Même dans certains pays, maintenant, ils ont même légalisé certaines drogues. Donc c'est pour dire que le musulman qui arrive dans ce contexte-là, qui est totalement différent de ce qu'il a connu dans son pays d'origine, dans son pays musulman, il peut parfois se sentir un petit peu tenté ou perdu, hein? Et si il tombe dans ces affaires-là, s'il n'a pas assez de foi ou pas assez de piété, il risque facilement de tomber dans ces choses-là. Donc il faut qu'il soit assez fort. Et ça, c'est l'exemple que les Sahaba, par exemple, lorsqu'ils partaient dans les pays de Kufr pour aller prêcher l'islam, eh bien, c'était pas des gens faibles. C'était pas des gens faibles. C'était des gens qui étaient fermes et forts. Et ils ne se laissaient pas distraire ou tenter par ce qu'ils pouvaient trouver dans ces pays-là comme des désirs ou tentations. Hein? Ils restaient accrochés à leurs principes et ils essayaient le plus possible d'être des modèles et des exemples pour justement aider les gens de ces pays-là et les habitants de ces pays-là à justement se sauver eux-mêmes de leurs mécréances et de leurs égarements. Donc ils veulent être des guides, des modèles pour pouvoir justement faire en sorte que ces koufars-là acceptent l'islam et non pas le contraire. Hein? Pour pas que eux ils se mettent à suivre leur voie, mais que les koufars se mettent à suivre la voie des musulmans. C'est ça l'important. Et la troisième condition, hein, et c'est très important aussi, الشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك مثل أن يكون مريضا يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر للاستشفاء أو يكون محتاجا إلى علم لا يوجد في بلاد الإسلام تخصص فيه تخصص فيه فيذهب إلى هناك أو يكون الإنسان محتاجا إلى تجارة يذهب ويتجر ويرجع. المهم أن يكون هناك حاجة. ولهذا أرى أن الذين يسافرون إلى بلد الكفر من أجل السياحة فقط أرى أنهم آثمون، وأن كل قرش يصرفونه لهذا السفر فإنه حرام عليهم وإضاعة لمالهم، وسيحاسبون عنه يوم القيامة حين لا يجدون مكانا يتسفحون فيه أو يتنزهون فيه، حين لا يجدون إلا أعمالهم، لأن هؤلاء يضيعون أوقاتهم ويلتفون أموالهم ويفسدون أخلاقهم، وكذلك ربما معهم عوائلهم. ومن عجب أن هؤلاء يذهبون إلى بلاد الكفر التي لا يسمع فيها صوت مؤذن ولا ذكر ذاكر، وإنما يسمع فيها أبواق اليهود ونواقيس النصارى، ثم يبقون فيها مدة هم وأهلوهم وبنوهم وبناتهم، فيحصل في هذا شر كثير، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من البلاء الذي يعني يحل الله به النكبات، والنكبات التي تأتينا والتي نحن الآن نعيشها كلها بسبب الذنوب والمعاصي، كما قال الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نحن غافلون في بلادنا، كأن ربنا غافل عنا، وكأنه لا يعلم، وكأنه لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يلفته. Ici, le cheikh explique que la troisième condition, c'est que la personne, elle ait un vrai besoin. C'est-à-dire que si elle s'en va dans un pays de coffre, elle y va pas juste comme ça pour se distraire ou passer le temps ou bien faire du tourisme. Non, elle y va parce qu'elle a un réel besoin de quelque chose qui est essentiel ou quelque chose qui est nécessaire, quelque chose dont il a un vrai besoin. Et il dit, il faut que ce soit quelque chose, par exemple, une science. Premièrement, il dit pour se faire traiter comme un traitement dont il a besoin, qu'il ne peut pas trouver ailleurs que dans les pays de coffre. Alors, il s'en va là-bas pour se faire traiter. Ou bien, s'il a besoin, par exemple, d'une science quelconque qu'il ne peut pas trouver dans les pays de l'islam, comme une spécialité, par exemple, eh bien, il va aller là-bas pour étudier cette spécialité-là. Ou bien, si c'est parce qu'il a besoin de faire du commerce, il s'en va là-bas pour acheter ou pour vendre, et puis il revient. L'important, c'est qu'il ait un besoin quelconque réel. Et il dit, tandis que les gens qui voyagent dans les pays de Kouf uniquement pour faire du tourisme, il considère, le cheikh, il dit, je considère que ce sont des pêcheurs. Quand ils font ça, ils sont dans le péché parce que ils vont là-bas pour rien, pour perdre leur temps, pour perdre leur argent. Et il dit que chaque sou qu'ils dépensent dans ce voyage-là, chaque pièce de centime qu'ils dépensent, eh bien, ils le dépensent dans ce voyage, c'est haram pour eux. Et ça fait partie du gaspillage de l'argent et ils seront questionnés au jour de la résurrection pour ça. Et subhanallah, le cheikh il dit que le jour où ils vont être devant Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne vont rien trouver comme œuvre, alors qu'ils ont gaspillé leur temps et leur argent pour des choses qui corrompent leur comportement et leur morale et leurs mœurs, et peut-être qu'ils amènent même avec eux leur famille. Il dit, je suis étonné de voir que des gens comme ça, ils vont dans des pays de kufr dans lesquels ils n'entendent même pas l'appel du adhan, et ils n'entendent pas aucun rappel pour entendre justement les paroles des, les appels des Juifs ou les cloches des chrétiens. Et ils vont rester là-bas un certain temps. Donc, comme le cheikh, il explique ici, il dit, donc c'est ça. Et donc, ces gens-là qui vont, par exemple, dans ces pays-là avec leur famille, leurs enfants, leurs filles, il y a à cause de ça beaucoup de mal qui arrive. Hein? Et puis, il dit que ça fait partie des malheurs qui font que, justement, Allah subhanahu wa ta'ala fasse tomber sur nous toutes sortes de châtiments et de punitions. Et donc, il dit, ce que nous vivons aujourd'hui comme malheur, eh bien, tout ça, c'est à cause de nos péchés, de nos désobéissances. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 30, dans Sourate Shura, aucun malheur ne vous atteint. Si un malheur quelconque vous atteint, c'est à cause de ce que vos mains ont acquises. Et il pardonne beaucoup. Il dit, et nous sommes malheureusement insouciants et indifférents dans nos pays. Et c'est comme si la façon dont on agit, c'est comme si on était insouciant. C'est comme si on pensait que Allah est insouciant de nous, et comme s'il ne savait pas ce qu'on fait, hein? Ou bien comme s'il ne donnait pas un délai à l'injuste jusqu'à ce qu'il le prenne, hein? Avec son châtiment. Il dit: "Wan-nasu ya'siruna fi hadhihi al-hawadith, walakin qulubuhum qasiya wal-'iyadhu billah." وقد قال الله سبحانه: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يعني أخذهم العذاب ونزل بهم ومع ذلك ما استكانوا إلى الله وما تضرعوا إليه بالدعاء وما خافوا من سطوته ولكن قست القلوب نسأل الله العافية وماتت حتى أصبحت الحوادث المصيرية تمر على القلب وكأنها ماء بارد نعوذ بالله من موت القلب وقسوته وإلا لو كان الناس في عقل وصحوة وفي قلوب حية ما ساروا على هذا الوضع الذي عليه نحن الآن مع أننا في وضع نعتبر أننا في حال حرب مدمرة مهلكة يعني حرب غازات الأعصاب والجنود وغير ذلك ومع هذا لا تجد أحدا حرك ساكنا إلا أن يشاء الله إن أناسا في هذه الظروف العصبية ذهبوا بأهليهم يتنزهون في بلاد الكفر وفي بلاد الفسق وفي بلاد المجون والعياذ بالله. Donc ici le cheikh il dit un rappel, puis ça s'applique un petit peu, même si c'est pas le même contexte. Quand le cheikh a fait ce dars, c'était peut-être pas le même contexte, mais ça s'applique exactement à notre situation actuelle. Il dit le cheikh que les gens, ils sont dans une situation avec toutes sortes de malheurs qui arrivent, mais malheureusement, les cœurs sont endurcis, hein, car Allah nous en préserve. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, et le cheikh, il cite le verset dans Sourate Al-Mu'minoun, et c'est le verset 76. 76 dans Sourate Al-Mu'minoun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et nous les avons certes saisis du châtiment, mais ils ne se sont pas soumis à leur Seigneur, et de même qu'ils ne le supplient point, hein? Jusqu'au jour où nous ouvrirons sur eux une porte au dur châtiment, et voilà qu'ils seront désespérés. Donc c'est pour dire que le châtiment, il vient sur nous, comme le cheikh il dit ici. Il dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire miséricorde, parce qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous prend par des châtiments, il fait tomber sur nous des châtiments, et malgré tout, on ne se soumet pas à Allah et on ne l'implore pas dans nos doigts, et on n'a pas peur de son châtiment et de sa colère. Hein? Donc les cœurs sont devenus durs, hein, quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner. Et il dit, les cœurs sont morts. jusqu'à ce qu'il devienne indifférent à toutes les causes de toutes les situations et tous les malheurs qui nous arrivent. Et ça passe sur nos cœurs comme si c'était de l'eau froide. Hein, en voulant dire, ça nous fait rien du tout, ça nous affecte même pas. Certaines personnes, c'est comme s'il y a des malheurs qui arrivent dans le monde actuellement, et puis c'est comme si rien n'était, ça leur fait rien du tout. Hein, du moment qu'eux, ils sont pas touchés, ils disent, ah, c'est rien, ça, c'est pas grave. Na'ouzou billah, il dit, on cherche refuge en Allah de la mort du cœur et de la dureté du cœur. Il dit, si les gens, ils avaient une raison, si les gens, ils avaient un cœur réveillé, un cœur vivant, eh bien, ils ne seraient pas dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Hein? Est-ce que le cheikh il dit c'est vrai? Et ça s'applique à nous aujourd'hui aussi. Il dit, on est dans une situation maintenant, et il parlait probablement de la période de la guerre, dans la guerre du Golfe. Il dit, on est dans une période actuellement, c'est la guerre, et c'est très difficile. Et il dit, malgré ça, tu vois qu'il y a des gens qui. Tu trouves qu'il n'y a personne qui fait rien, qui bouge, pour faire quoi que ce soit pour implorer Allah et glorifier Allah ou bien obéir à Allah. Il dit qu'il y a des gens dans ces situations difficiles, ils partent avec leur famille aller faire des voyages pour faire du tourisme dans les pays de kufr, dans les pays de perversité, wal a'yadhu billah. Donc il dit, ouais, on va finir avec ce paragraphe, il dit, أقول مرة ثانية إن الهجرة من بلاد الكفر الذي لا يستطيع أن يقيم الإنسان فيه دينه واجبة والسفر إلى بلاد الكفر للدعوة يجوز إذا كان له أثر وتأثير هناك فإنه جائز لأنه سفر لمصلحة وبلاد الكفر كثير من عوامهم قد عمي عليهم الإسلام ولا يدرون عن الإسلام شيئا بل قد ضللوا قيل لهم إن الإسلام دين وحشية وهجمية ورعاع ولا سيما إذا سمع الغرب هذه الحوادث التي جرت على يد أناس يقولون إنهم مسلمون سيقولون أين الإسلام؟ هذه وحشية فينفرون من الإسلام بسبب المسلمين وأفعالهم نسأل الله أن يهدينا أجمعين. Donc il dit ici le cheikh une deuxième il dit je dis une deuxième fois que la hijra de quitter les pays de Kufr vers les pays de l'islam pour celui qui n'est pas capable d'établir sa religion c'est une obligation pour lui et il dit le voyage vers les pays de Kufr pour faire la da'wa et pour inviter les kuffars à l'islam si ça va avoir un effet et un impact alors dans ce cas-là oui c'est permis parce qu'il y a un bienfait là-dedans il y a un bienfait là-dedans. Et les pays de Kufr, il dit, il y a beaucoup de gens parmi le commun des Kuffars pour qui l'islam est inconnu. Hein, on ne leur a pas fait savoir la réalité de qu'est-ce que c'est l'islam. Et même que beaucoup d'entre eux ont été égarés, on leur a dit que l'islam c'est une religion sauvage, une religion barbare, et ainsi de suite. Et en particulier, s'ils entendent en Occident qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans aujourd'hui de la part de certains qui se disent musulmans. Hein? Les gens vont dire, mais dans ce cas-là, c'est quoi l'islam? Où est l'islam? Donc ils leur disent, ça c'est de la sauvagerie. Hein? C'est ça ce qui... Et ils font fuir les gens de l'islam à cause de ça, à cause de l'acte, des actes de certains musulmans. On demande à Allah de nous guider tous. Et donc ce que le cheikh il dit ici, c'est une réalité. Et donc on va s'arrêter ici, inshallah, pour aujourd'hui. On continuera la suite des détails. إن شاء الله أو بروشين كور سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته